Chapitre 9e. Excès de prudence. Florence Borton se croyait la fille la plus heureuse du monde. Rien ne manquait à son bonheur. Elle avait pu s'apercevoir que son fiancé était supérieur sur plusieurs points au mari qui avait épousé ses sœurs. Il était mieux élevé, avait meilleure tournure, avait mieux l'air d'un gentleman, en un mot, que Scarness ou les autres. Elle aimait bien pourtant ses beaux-frères. Et à moins l'arrivée de Harry à Stratton, elle n'avait jamais songé à désirer pour elle-même mieux que ses sœurs n'avaient obtenu. Elle ne s'en applaudissait pas moins d'avoir trouvé beaucoup mieux et d'en avoir fait la conquête. Elle était fière de son fiancé, et instinctivement, bien que sans aucune morgue, elle le montrait au milieu de ses compagnes à Stratton. Il ne lui vint jamais à l'esprit qu'elle-même, étant mieux élevée que ses sœurs, plus jolie et plus intelligente, méritait d'avoir un mari supérieur au leur. Mais les Burton de Londres, qui pouvaient le mieux l'apprécier, était d'opinion qu'elle méritait de trouver un parti plus avantageux que ses sœurs. La question pour eux allait être de savoir si Harry Clavering était digne d'elle. Tous les gens de Stratton savaient qu'elle était fiancée et quand on lui en parlait, elle ne songeait pas à s'en défendre. Toutes ses sœurs s'étaient fiancées de la même façon et leur mariage avait régulièrement suivi les fiançailles. On n'avait jamais fait mystère de pareilles affaires. Ces questions sont envisagées d'une manière très différente dans les familles. Il y en a qui regardent comme une inconvenance de parler d'un mariage qui est un projet ou se prépare au sein de leur famille. Ils en voudraient à leur connaissance de faire allusion à un mariage qui serait définitivement arrêté. La jeune fille fiancée n'en confie le secret qu'au papier rose qui transmet ses correspondances et encore, est-elle censée rougir en traçant dans sa chambre les lignes qui annoncent cette nouvelle à ses amis? Il y a d'autres familles où l'on fuit ces sortes de mystères, où l'on parle de deux fiancés comme s'ils étaient déjà mari et femme. Dans ces familles, les jeunes filles parlent ouvertement de leurs fiancés et préfèrent même ce sujet de conversation à tout autre. Telle était la famille des Barton à Stratton, ne cachant rien de ses affaires domestiques. Dans les familles plus mystérieuses et plus réservées, on aime à surprendre le monde par la magnificence imprévue des toilettes et de la fête quand arrive la célébration du mariage. Mais chez les autres, ce jour-là ressemble un peu à tous les autres, et la cérémonie n'offre aucune splendeur inaccoutumée. Elle se fait sans éclat de trompette, sans que la tailleuse et la modiste y gagnent beaucoup, et la lune de miel elle-même se passe au milieu d'une prosaïque simplicité. Florence avait bien résolu de ne pas trop se hâter. Harry, lui, était très pressé. Cela allait sans dire. Il avait l'humeur vive, le sang chaud et le caractère impatient. Elle était plus calme et plus réfléchie. À son avis, il valait mieux attendre, dût-ce être pendant 5 ou 6 ans. Elle ne redoutait pas la pauvreté pour elle-même. Elle avait toujours vécu dans un milieu où l'on faisait grand cas de l'argent et où l'on avait des habitudes d'économie. Pour Harry, c'était le contraire, et elle se préoccupait plus que lui de son avenir. Il ne pourrait être heureux dans la gêne, il ne pourrait se passer de certaines commodités qui ne seraient pour lui que le confort ordinaire et du luxe pour elle. Quand sa mère lui disait, en secouant un peu tristement la tête, qu'elle n'aimait pas les longs engagements, Florence, elle aussi, secoua la tête d'un air folâtre et suppliait sa mère de ne pas s'alarmer ainsi. « Ce n'est pas vous, maman, lui disait-elle, qui devait l'épouser. « Non, ma chère, je le sais. Mais encore une fois, les longs engagements ne valent rien. Je ne sais pourquoi il faut aujourd'hui aux jeunes gens tant de choses dont on se passait fort bien quand j'étais jeune. Lorsque je suis entré en ménage, je n'avais qu'une servante de 15 ans pour faire tout l'ouvrage, et nous ne prîmes une nourrice qu'après la naissance de Théodore. Nous avions eu 3 enfants avant lui. » Florence ne pouvait dire combien de nourrices il aurait fallu à Harry dans les mêmes circonstances, mais elle sentait très bien qu'il lui faudrait un personnel de domestique plus nombreux que celui de ses parents ou même de ses frères et de ses sœurs. Son père, à l'époque de son mariage, aurait trouvé tout naturel, en revenant de son bureau, de voir sa femme à la cuisine occupée à préparer le dîner, et Théodore lui-même aurait vu sans peine sa femme faire la même chose. Mais Harry, elle le savait, ne souffrirait rien de semblable, et partant, il fallait qu'il attendît. « Cela lui fera du bien, » disait-elle à sa mère. « Je vois qu'il est trop jeune et a besoin de mûrir. » C'est un de ces jeunes gens qui ne devrait pas se marier avant 28 ou 30 ans environ. Craignez-vous qu'il ne soit pas rangé? Pas le moins du monde. Mais il sera plus heureux en vivant seul pendant 1 an ou 2. Il n'est pas assez rangé pour soupirer après son thé et sa rôtie à la fin de son travail, comme doit le faire un homme marié. Je crois même qu'il n'y aurait pas grand mal à ce qu'il fît un peu la cour à d'autres. Oh, ma chère, que dites-vous là ? Dans de certaines limites, je l'entends, ma mère. Oui, mais s'il ne restait pas dans les limites ? Ah, je n'aime pas entendre les jeunes gens raisonner de cette manière. Il se peut que j'aie les idées d'un autre temps, mais je suis d'avis que lorsque j'ai nommé fiancé, il doit le faire voir et s'en souvenir. Cela devrait le rendre plus sérieux, et je ne veux pas qu'il aille voltiger comme un papillon autour de toutes les fleurs qui s'étalent au soleil. Pendant les 3 mois que Harry passa en ville avant les vacances de Pâques, il écrivit plus d'une fois à Florence pour la prier de fixer au plus tôt la date de leur mariage. Ces lettres furent écrites après certaines soirées très agréablement passées à Hounslow Crescent, quand il se fut bien convaincu des charmes de la vie domestique, conviction due en partie au départ de Lady Ongar, qui avait quitté Londres sans le voir. Il avait passé plus d'une fois dans Bolton Street, à la requête express de Lady Ongar, mais il ne l'avait trouvée qu'une fois chez elle, et cette fois avec une troisième personne. Cette personne était une âme qu'on ne lui avait pas présentée, mais il avait compris à son accent qu'elle était étrangère. En cette occasion, Lady Ongar s'était faite gracieuse et souriante. Mais néanmoins, cette visite l'avait peu charmée, et il se retira même un peu boudeur. Passant un peu après chez Lady Ongar, il apprit qu'elle avait quitté Londres. Elle était partie pour Ongar Park et avait dit à la propriétaire de son appartement qu'elle se proposait d'y rester jusqu'à Pâques. Harry se disait qu'elle n'aurait pas dû faire une pareille démarche sans le prévenir. Ne lui avait-elle pas dit qu'il était son seul ami ? N'aurait-elle pas dû, en quittant la ville, l'informer de son départ, et puisqu'elle n'en avait rien fait, que signifiait cette déclaration d'amitié qu'elle lui avait faite ? Harry répondait à cette question que les paroles de Lady Ongar n'avaient aucune signification. Et voilà pourquoi il pressait Florence de fixer à bientôt le jour de leur mariage. Il lui écrivait qu'il avait vu Cécile Burton et que celle-ci, d'accord avec lui, trouvait leur revenu parfaitement suffisant. Il devait recevoir de son père 200 livres sterling par an, car il avait renoncé à cette fière résolution qu'il avait prise autrefois de ne jamais rien accepter sur les revenus de ses parents. Son père lui avait renouvelé son offre et il l'avait acceptée. Le vieux M. Burton devait ajouter 100 livres de plus, et Harry trouvait qu'avec cela, il pourrait bien se tirer d'affaire. Cécile, répétait-il, était du même avis, et partant, Florence ne saurait y contredire. Mais le fait est que Florence avait reçu directement de Cécile une lettre, où celle-ci lui disait franchement son avis, et Florence refusa. Elle l'aurait probablement refusé sans cette circonstance, car elle n'était pas légère ni changeante dans ses résolutions. Elle écrivit donc à Harry la lettre suivante, qui devait avoir une influence considérable sur le sort des deux fiancés. Lettre de Florence Burton à Harry Clavering. Stratton, mars 1860 et quelques. Cher Harry, j'ai reçu votre lettre ce matin même, et je m'empresse d'y répondre, parce que je sais que vous attendrez la réponse avec impatience. Vous êtes très impatient en toute chose, convenez-en. Votre lettre n'en est pas moins une bonne, douce, chère et généreuse lettre, et je n'ai pas besoin de vous dire que j'aime l'écrivain de tout mon cœur. Je suis charmé que vous aimiez Cécile. Je crois qu'elle est la perfection en personne. Théodore est aussi bon qu'elle, bien que je vois que ce n'est pas là votre avis, puisque vous ne le dites pas. J'ai toujours du bonheur à être à Hounslow Crescent. J'y serai allé au printemps prochain, mais une certaine personne qui se croit sur moi des droits supérieurs à ceux de tout autre veut que j'aille dans un autre endroit. Maman veut aussi que je passe une semaine à Londres, mais je désire ne pas m'absenter de la vieille maison paternelle avant l'époque où je la quitterai pour toujours. Parlons donc de ce moment. Je n'ai pas besoin de vous dire que l'affection que j'ai pour mes parents ne me fera pas différer mon mariage d'un seul jour. Je me dois entièrement à vous à présent, et comme mes parents ont approuvé mon mariage, ils ne peuvent plus rien exiger de moi qui soit contraire à vos désirs. Et ne croyez pas qu'ils me sollicitent pour rester avec eux. Maman, au contraire, ne cesse de me répéter que plus tôt on se marie, mieux cela vaut. Elle a envoyé tous les oiseaux de la cage excepté un seul, et lui tarde de voir celui-là aussi s'envoler, afin de s'assurer qu'il n'y en a aucun d'estropié dans la couvée. Ainsi, ne vous en prenez pas à maman, ni à papa non plus, bien qu'il soit d'avis que nous ferions mieux d'attendre encore quelque temps. Cher Harry, N'allez pas vous fâcher quand je vous dis que nous devrions attendre encore un peu. Nous sommes jeunes tous les deux. À quoi bon nous presser ? Je sais ce que vous allez répondre, et naturellement je vous en aime davantage en voyant l'amour que vous avez pour moi. Mais je m'imagine que je puis être tout à fait heureuse si je puis vous voir deux ou trois fois par an et avoir de vos nouvelles tous les jours. Vous êtes bien bon de m'écrire des lettres si aimables. Plus elles sont longues, mieux je les aime. Mettez-y ce que vous voudrez, mais remplissez-les jusqu'à la dernière ligne. Je sais que je suis incapable d'écrire d'assez gentilles lettres, et je le regrette amèrement. Quand je n'ai rien de particulier à dire, les mots ne veulent pas m'arriver. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose de particulier à vous dire. En dépit de tout ce que vous m'écrivez au sujet de Cécile, je ne crois pas que nous devions nous marier de sitôt. Je sais que vous êtes disposé à tout me sacrifier, mais ce n'est pas une raison pour que j'accepte ce sacrifice. Je ne pourrais souffrir de vous voir pauvre et dans la gêne, et aujourd'hui nous serions très pauvres à Londres avec le revenu que nous aurions. Si nous devions nous établir à Stratton, nous pourrions nous en tirer, mais à Londres, ce serait de l'imprudence. N'allez pas m'en vouloir parce que je vous dis cela, car je suis tout aussi impatiente de me trouver auprès de vous, que vous pouvez l'être de vivre avec moi. Mais j'ai la force d'attendre, et j'éprouve un véritable plaisir à penser que tout mon bonheur est encore à venir. Je sais que je ne me trompe pas sur ce point. Écrivez donc un mot seulement pour dire que vous n'en voulez pas à votre petite fiancée. Je serai prête à partir avec vous le 29. J'ai reçu l'autre jour un charmant billet de votre sœur Fanny. Elle me dit que vous ne leur écrivez jamais, et je suppose que c'est moi qui accapare toutes vos lettres. Je lui ai répondu qu'en effet, j'en ai une bonne part. Mon frère m'écrit très rarement, et je reçois bien 20 lettres de Cécile pour un billet de Théodore. Peut-être un de ces jours, vais-je devenir le principal correspondant du presbytère. Fanny m'a donné tous les renseignements au sujet de mes robes et j'ai toutes les miennes prêtes. J'ai été demoiselle d'honneur au mariage de mes 4 sœurs. Aussi, je dois savoir comment on s'y prend. Je ne veux plus l'être pour qui que ce soit après Fanny. Mais qui est-ce qui le sera pour moi ? Nous devrions attendre que Sophie et Cissy Burton soient prêtes. Cissy m'écrit que vous êtes le plus charmant des hommes. Je ne sais pas si c'est à Cissy que je dois attribuer la première idée du mot. Que Dieu vous bénisse, mon cher, mon bien-aimé Harry. Écrivez-moi encore une fois avant de venir me voir, et dites-moi que j'ai raison, quand même vous trouvez ma décision désagréable. Je suis enchanté, cela va sans dire, de voir que vous êtes impatient de m'avoir. Mais aussi, vous le voyez, quand on a des goûts raffinés comme les vôtres, il faut en subir la peine. Je suis à jamais votre tout affectionné, Florence Burton. Grande fut la colère de Harry en recevant cette lettre. D'abord, il lui semblait singulier que Florence prétendît savoir mieux que lui ce qui lui convenait. S'il lui plaisait de s'établir à Londres avec un peu moins de 400 livres sterling par an, assurément, elle pouvait bien tenter aussi l'épreuve avec lui. Il ne crut pas un instant qu'elle eût des craintes pour elle-même, mais il s'indignait qu'elle en eût à son sujet. Quel droit avait-elle de l'accuser de chercher ses aises et de désirer le confort ? N'avait-il pas consenti pour elle à mener une vie fort désagréable dans la maison de son père à Stratton ? N'était-il pas disposé à abandonner pour elle et les avantages de son grade universitaire et la société de Lady Ongar ? N'avait-il pas été pour elle un amant comme il n'y en a pas un sur 100 ? Et maintenant, elle lui écrivait qu'elle ne voudrait pas le voir pauvre et dans la gêne. Après tout ce qu'il avait fait dans ce monde, après toutes les épreuves qu'il avait traversées, il serait bien singulier qu'à son âge, il ne sût pas mieux que personne ce qu'il avait à faire. Telles étaient les réflexions que lui inspirait l'obstination de Florence. À ce moment, il éprouvait, à vrai dire, une double souffrance. Il lui semblait que des deux côtés on le méprisait en quelque sorte, ou du moins qu'on ne faisait plus de lui le cas qu'il méritait. Si Lady Ongar fût restée en ville, comme elle aurait dû le faire, il se serait consolé en lui consacrant quelques heures de sa journée, et en même temps il se serait vengé de Florence. C'était le départ soudain de Lady Ongar qui l'avait inspiré cet impatient désir du mariage. Maintenant il ne lui restait pour toute consolation que de se plaindre à Cecil Burton et d'aller souvent au théâtre. Il se plaignit en effet beaucoup à Mrs. Burton, dévidant ses pelotons de laine et ses écheveaux de soie, restant près d'elle à ne rien faire pendant qu'elle travaillait, ainsi que Theodore Burton l'avait prédit. « Je ne veux pas que vous restiez ainsi à ne rien faire, » lui dit un jour Mrs. Burton. « vous savez que vous devriez être à votre bureau en ce moment. » Ceux qui connaissaient Clavering, et surtout les femmes, se prenaient vite à l'aimer et le traiter avec familiarité. Il avait des manières élégantes mais simples, et presque jamais ne prenait d'air prétentieux. On l'avait tout à fait apprivoisé dans la maison des Burton pendant les 10 semaines qu'il avait passées à Londres, et il ne savait que trop bien le chemin de Hounslow Crescent. Il est permis d'ajouter aussi qu'il n'y serait pas allé si souvent, si Cécile Burton eût été moins jolie. « La faute en est toute à Florence, » dit-il, tout en coupant un fil de laine avec une paire de ciseaux. « Elle est de beaucoup trop prudente. » « Pauvre Florence. Vous le savez aussi bien que moi. Je travaillerais 3 fois plus si elle m'avait fait une réponse différente. Est-il possible à un homme de travailler dans l'état d'esprit où je me trouve? Est-ce que vous me croyez paresseux par hasard? Je puis faire autant de travail qu'aucun autre employé de bureau. » « Ce n'est pas une raison pour me gâter toute ma laine, » reprit Cécile. « Je dois vous dire que Théodore est de l'avis de Florence. » « Cela va sans dire, c'est tout naturel, il me donne tort. Eh bien, je n'en parlerai plus à Florence et tout sera fini. »« Oh, Harry, ne parlez pas ainsi. Je sais très bien que vous ne dites pas cela sérieusement. Vous renouveleriez votre demande si Florence était ici. Vous ne me connaissez pas, Cécile. Sinon, vous ne me parleriez pas ainsi. » Quand j'ai une fois pris mon parti sur une affaire, je m'y tiens résolument. Elle m'a fait une promesse il y a environ 2 ans, et je ne dirai pas un mot pour rompre notre engagement. S'il est rompu, la faute n'en sera qu'à elle. » En attendant, il se vengea de Florence en s'abstenant de faire une réponse directe à sa lettre. Il lui écrivit, comme d'habitude, mais sans faire aucune allusion à sa dernière proposition et au refus de Florence. Elle l'avait prié de lui dire qu'il n'était pas fâché contre elle. Mais il ne lui dit rien de la sorte. Il lui dit où et quand et comment il irait la prendre pour la mener de Stratton à Clavering, lui donna une petite analyse d'une pièce de théâtre qu'il avait vue, un compte-rendu d'un grand dîner chez Theodore Burton, et enfin lui raconta une plaisante histoire au sujet de M. Walliker, son collègue à la Delphi, mais il se garda de lui dire un seul mot, même un mot de reproche, au sujet de son refus. Il voulait par là punir Florence et prenait plaisir à penser qu'il en serait péniblement affecté. Un jour, en rentrant chez lui, il trouva sur sa table une carte qui le surprit beaucoup. Elle portait un nom sans adresse, mais au-dessus du nom, il y avait une petite note où l'on disait que le possesseur de la carte repasserait chez lui quand il serait de retour à Londres et après Pâques. La carte portait le nom de comte Pateroff. Il se rappela aussitôt ce nom, bien qu'il ne l'eût jamais entendu prononcer qu'une fois. Le comte Pateroff était un homme qui avait été l'ami de Lord Ongar et qui avait fourni à ce dernier l'occasion de calomnier sa femme. Que venait-il faire chez Harry Clavering? Qui lui avait donné son adresse à Bloomsbury Square? Il n'eut pas de peine à répondre à cette dernière question. Ce devait être Lady Ongar. Le comte venait de quitter Londres. Serait-il à Ongar Park? 1000 soupçons assaillirent aussitôt l'esprit de Harry, et la jalousie le mordit au cœur en dépit de Florence Burton. Était-il possible que Lady Ongar, veuve depuis 4 mois à peine, reçût chez elle à la campagne l'homme dont le nom avait été si tristement accouplé au sien? Si cela était, que devait-il penser d'une pareille conduite? Son indignation fut extrême, mais dans son indignation et sa colère, il ne sentait pas qu'il était aussi jaloux. Ne l'avait-elle pas appelé lui, Harry, son unique ami sur terre? Pouvait-il donc la soupçonner sans que la colère s'allumât dans son cœur? « Moi, son ami, » se dit-il. « Non, jamais, si elle conserve le moindre rapport avec cet homme après ce qu'elle m'a dit à son sujet. » Après tout, il était possible que le comte ne fût pas à Ongar Park. Mais dans tous les cas, il devait avoir eu quelque rapport avec Lady Ongar, ou sinon, il n'aurait jamais connu son adresse. « Le comte Pateroff, » dit-il en répétant ce nom. « Il n'est pas impossible que j'aie une affaire avec cet homme. » Pendant toute la nuit, il ne put penser qu'à Lady Ongar. En y réfléchissant bien, il restait convaincu qu'il ne pouvait lui offrir qu'une amitié fraternelle. Mais néanmoins, il se croyait insulté du moment qu'elle avait des rapports d'amitié intime avec un homme non marié autre que lui-même. Le lendemain, il devait se rendre à Stratton, et dès le matin, le facteur lui apporta une lettre, ou plutôt un billet. Le timbre lui apprit aussitôt qu'il venait de Lady Ongar. Il y lut ce qui suit. « Mon cher Monsieur Clavering, j'ai regretté d'avoir quitté Londres sans vous voir. je serai de retour vers la fin d'avril et j'habiterai le même appartement. Venez me voir si vous pouvez le 30 au soir après dîner. Mon beau-frère a enfin dit à Hermione de m'écrire pour m'inviter à me rendre à Clavering pour la semaine de Pâques. Vous n'avez jamais vu pareille lettre. Je vous la ferai voir. Il va sans dire que j'ai refusé. Je vous écris exprès pour vous dire que j'ai prié le comte Pateroff de passer chez vous. Je ne l'ai pas vu, mais j'étais obligé de lui écrire au sujet de ce qui s'est passé à Florence. Il est venu en Angleterre, surtout pour s'occuper des affaires de Lord Ongar. Je désire que vous entendiez le récit qu'il vous fera. Autant que je puis croire, c'est un homme qui vous dira la vérité, bien que je ne puisse guère lui décerner aucun autre éloge. Tout à vous, Julie Ongar. Après la lecture de cette lettre, Harry eut bientôt pris un parti. On le priait de voir le comte Pateroff. Assurément, il le verrait. N'était-ce pas remplir un rôle d'ami que de voir un tel homme dans de telles circonstances? Avant de quitter Londres, il écrivit un billet à l'adresse du comte au cas où celui-ci viendrait à passer chez lui en son absence. Il lui disait qu'il se rendait à Clavering pour une quinzaine de jours et se déclara prêt à revenir à Londres dans le plus bref délai si le comte était dans la nécessité de partir avant l'expiration de ce terme. Tout en s'occupant de ses affaires ce jour-là, il éprouva à l'endroit de Lady Ongar des sentiments beaucoup plus bienveillants que ceux qu'il avait eus depuis le jour où le comte Pateroff avait laissé sa carte.